السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الحافظ النووي رحمه الله عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأن إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد جيد. إن دي رحمه الله. D'après Nawas ibn Sam'an, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute la bonté, tout le bon, est le bon comportement. Et le péché est ce qui survient dans ton âme et que tu n'aimerais pas que les gens aperçoivent. Rawahu Muslim. Et d'après Wahabi Sata ibn Ma'bad, qui a dit: je suis venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit: tu es venu demander à propos du birr, du bien, de la bonté. J'ai dit oui. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: interroge ton cœur. Le bien est ce sur quoi ton âme est apaisée et vers quoi ton cœur s'apaise. Et le péché est ce qui survient dans ton âme et met le trouble dans ta poitrine, et cela même si les gens citent que cela est licite et te le recitent. Ce hadith donc a pour sujet al-birr, qui a été traduit dans le hadith par le bien ou la bonté pieuse, et al-ithm, qui est son inverse, le péché. Al-birru ou al-ithm. Premièrement, pour ce qui concerne al-birr, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-birru husnul khuluq, le bien, la bonté, est le bon comportement. Donc al-birr est un mot qui englobe toute forme de bien. Ya kalimatun jami'atun. Donc, qui englobe toutes les formes de bien, que cela soit apparent ou caché. Donc, cela englobe les actes du cœur, de la langue et des membres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, d'après l'essence du verset, la bonté pieuse, ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse, donc al-birr, est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, et de donner de son bien malgré son amour, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier les joues, et accomplir la prière, s'acquitter de l'aumône, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, ceux-là sont ceux qui ont été véridiques, et ceux-là sont les pieux. Surat al-Baqarah, al-ayat al-wahida, wa-s-sab'a wa-s-sab'un. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué al-birr, la bonté pieuse, le bien, par des actes du cœur, comme la foi en Allah, al-imanu billah, en ses anges, en ses livres, au jour dernier. Il a aussi, subhanahu wa ta'ala, expliqué al-birr par des actes des membres, comme la prière, l'aumône, et des actes de la langue, comme la véracité, et autres. Donc ce qui nous montre, comme cité, que le mot al-birr a un sens général, qui englobe toutes les formes du bien, que cela soit apparent, les actes du cœur, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, al-iman, ou les actes apparents des membres ou de la langue, al-birr. Et à certains moments, le mot birr peut avoir un sens précis, dans lequel il sera voulu les actes de bien, et non pas le fait de délaisser les péchés. Cela comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, d'après l'essence du verset, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Et entraidez-vous dans le bien et la piété. Donc ici, el-bir a été associé au mot taqwa. Donc ici, le mot bir prend le sens d'accomplir le bien, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mot taqwa, son inverse, le fait de délaisser les actes de désobéissance. Mais lorsque le mot bir sera tout seul, comme dans le verset de Sourate al-Baqarah, alors là, il prend un sens général et il englobe le fait d'accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et de délaisser ce qu'il a interdit, que cela soit de manière apparente ou cachée. Mais dans le hadith, donc nous avons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a restreint le mot al-bir à un seul aspect, à un seul point, qui est le bon comportement. Car il a dit sallallahu alayhi wa sallam, al-birru husnul khuluq. Donc le bon, la bonté pieuse est le bon comportement. Donc ici, cela ne veut pas dire que le bon comportement est la seule forme de bir, de bonté, comme cela pourrait être compris dans le hadith. Mais cette formule, le fait de circonscrire le sens du hadith, a pour but de montrer l'importance du bon comportement, l'importance du bir dans l'islam. Et dans l'importance du bon comportement dans l'islam et l'importance du bon comportement dans l'bir, dans la bonté pieuse. Et cela est comme sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, Al-Hajju Arafa. Le Hajj est Arafa. Donc tout musulman sait que le pèlerinage Al-Hajj ne se résume pas à la station de Arafa. Mais, étant donné la grande place et la grande importance qu'a Arafa dans le Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hajju Arafa. Al-Hajju Arafa. Donc cela pour montrer la grande place qu'a Arafa dans le Hajj. Donc cela est pareil pour ce hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-Birru Husnul Khuluq, cela nous montre l'importance du bon comportement dans l'islam et dans la bonté pieuse. Donc, premièrement, nous tirons du hadith l'importance et le haut rang qu'a Husnul Khuluq fil Islam ou fil Bir, dans l'islam et dans la bonté. Husnul Khuluq. Et parmi les hadiths venant montrer cela, l'importance du bon comportement, nous avons la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, lorsqu'il fut questionné à propos de la chose qui fera le plus entrer les gens au paradis. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, At-taqwa wa husnul khuluq. La piété et le bon comportement. Il a aussi dit, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui, certes, font partie des gens les plus aimés auprès de moi et qui auront les places les plus proches de moi le jour dernier, sont ceux d'entre vous qui ont les meilleurs comportements. Ahasinukum akhlaqa. Ahasinakum akhlaqa. Donc ceux parmi vous qui ont les meilleurs comportements. Donc, husnul khuluq, amrun azim, est une chose importante et immense fi din. Wa husnul khuluq, yabda, donc le bon comportement, commence en premier lieu envers Allah subhanahu wa ta'ala. Cela par le fait de l'adorer lui seul, subhanahu wa ta'ala, de ne pas lui associer, de rendre véridiques ses paroles, subhanahu wa ta'ala, de ne le qualifier que par ce par quoi il s'est qualifié, subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, et à travers ses messagers, comme nom et attribut de perfection, par le fait de l'exempter, subhanahu wa ta'ala, de toute forme d'imperfection, par le fait d'être reconnaissant envers ses bienfaits qu'il nous accorde, subhanahu wa ta'ala, cela par le fait de l'adorer lui seul, subhanahu wa ta'ala. Le comportement envers son messager, sallallahu alayhi wa sallam, en rendant véridique ses propos, sallallahu alayhi wa sallam, en lui obéissant, en délaissant ce qu'il nous a interdit, sallallahu alayhi wa sallam, et en adorant Allah, subhanahu wa ta'ala, que par ce qu'il a légiféré, sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme le fait de ne le devancer à aucun moment dans ses propos, sallallahu alayhi wa sallam. Et le comportement envers le reste des créatures, en commençant par ceux qui sont le plus en droit d'avoir un bon comportement envers eux, qui sont les parents, la mère, le père, puis les proches de la personne, et toute personne que le musulman est amené à côtoyer. Donc cela par le fait de leur vouloir le bien, d'être souriant, de préserver les gens de son mal, de patienter face à leur nuisance, de leur faire parvenir le bien, et autres comme forme de bienfaisance et comme manière d'avoir un bon comportement envers les créatures. Puis dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, al-ithmu ma'haka fi nafs. Donc ici, al-ithm, qui est l'inverse du birr, l'inverse de la bonté pieuse, du bon. Donc ici, le péché, al-ithmu. Donc, le péché qui est, comme nous l'avions vu dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna al-halal bayyinun. Certes, le halal, le licite, est clair et évident. Et certes, le haram, l'illicite, est évident. Donc, wa baynahuma mushtabihat. Et entre ces deux-là, nous avons des choses qui sont équivoques. Donc, ce haram, l'illicite, le péché, peut être premièrement clair, évident. Un haram sur lequel il n'y a aucun doute. Donc ici, à ce moment-là, ce qui est obligatoire pour le croyant est de suivre et de se baser sur le dalil du Coran et de la Sunna. Donc ici, à aucun moment, il ne reviendra à son cœur ou autre pour savoir si cela est un péché ou non. Car ici, le haram est évident et clair. Quant au deuxième, il est un haram dont la personne a un doute quant à son caractère licite ou illicite. Donc elle n'a pas de preuve claire à son sujet. Elle n'a pas un dalil qui vient trancher et qui vient montrer que cette chose-là est haram de manière claire et évidente. Donc ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Al-ithmu ma'haka fi nafs ». Donc c'est-à-dire que le péché ici, ce qui va aider la personne à savoir que cette chose est un péché, cette chose sur laquelle elle a un doute, sur laquelle elle n'a pas une preuve du Coran et de la Sunna, lui montrant que cette chose est haram. Donc cette personne, si elle ressent un trouble, elle ressent une gêne quant à cet acte qu'elle veut accomplir. Donc il n'est pas une chose qui est un haram évident, alors qu'elle délaisse cette chose. Comme il nous l'a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, فَمَنْ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Et quiconque s'écarte des choses équivoques aura préservé sa religion et son honneur. Et quiconque tombe dans ce qui est équivoque tombera dans le haram. Donc ici, la personne le délaissera. Puis il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le deuxième hadith, « وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَاوكَ » C'est-à-dire, même si tu as posé la question à certaines personnes de science qui t'autorisent à accomplir cela, mais que ton âme n'est pas apaisée par cela, et que tu ressens toujours cette gêne, ce trouble, alors délaisse cet acte et ne l'accomplis pas. Délaisse cet acte et ne l'accomplis pas. Le noble savant, le Cheikh Salih ibn Salih al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, en commentaire de cela, en commentaire de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Wa in aftaka an-nas wa aftauk » et cela même si les gens t'autorisent à accomplir cet acte et t'autorisent. Il nous dit, hafidhahullah, cela, car ce qui compte n'est pas seulement la fatwa, l'avis religieux donné par le savant, mais ce qui compte est en plus de cela, avec ton âme. Donc, si tu trouves que ton âme est apaisée quant à cette fatwa, cet avis religieux, alors cela est le birr, le bien. Et si tu trouves que ton âme déteste cela, alors cela est un péché. Puis nous dit, hafidhahullah, et le savant n'est pas infaillible. Il peut se tromper ou donner une réponse selon ce qui est apparent, sans connaître ce qui est caché. Ou ce savant peut faire partie des savants de l'égarement. Les savants ne sont pas tous égaux. Donc ce qui compte est que tu ne te reposes pas sur la fatwa jusqu'à ce que ton âme soit apaisée quant à celle-ci. Et si ton âme est apaisée quant à cette fatwa, alors cela est une preuve qu'elle est véridique et qu'elle est de la bonté. Et si par contre ton âme éprouve de l'aversion pour cette fatwa et n'est pas apaisée par elle, alors délaisse-la. Car certaines personnes qui ont une passion ou lorsqu'ils désirent une chose disent « Tant que telle personne a dit que cela est illicite, alors je n'ai aucun blâme. Cela est sur sa conscience, cela est sur sa responsabilité. » Il nous dit, hafidhahullah, nous lui disons, « Un tel ne peut te profiter en rien auprès d'Allah. » C'est-à-dire ceux qui vont dire, « Mathalan, tant que tel savant a donné tel avis, alors je l'ai fait. » Même s'il sait au fond de lui, il sent que cet avis-là, que cette chose-là n'est pas une chose licite, mais il repose la responsabilité de cette fatwa sur le savant. Donc le cheikh nous dit, hafidhahullah, nous lui disons, Un tel, donc telle personne qui a donné cet avis, ne peut te profiter en rien auprès d'Allah. Et il ne connaît pas l'invisible et n'est pas infaillible. Et tu ne connais pas son degré de piété et de religiosité. Ne te repose donc pas seulement sur la fatwa jusqu'à l'avoir exposée à ton âme. Et si tu trouves ton âme apaisée quant à elle, donc quant à la fatwa, et que tu ne ressens aucun doute ou aversion, alors prends-la. Et si tu trouves l'inverse, alors délaisse-la. Puis il nous dit pour finir, Hafidhahullah, cela est une immense balance sur laquelle chemine le croyant dans ce qui concerne les fatwas. Intaha kalamuhu rahimahullah. Donc, dans ce qui concerne les fatwas, pour les fatwas qui sont sur des sujets sur lesquels il n'y a pas une preuve claire et évidente, qui rentrent dans les actes qui sont des mustabihat, des choses qui sont équivoques, alors le croyant fait comme l'a enjoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam, istafti qalbak. Il interroge son cœur, et s'il voit que son cœur est apaisé pour cette fatwa, pour cet acte, c'est un acte qu'il peut dire à haute voix, qu'il n'a pas de gêne à accomplir, et qu'il ne ressent pas de gêne ou d'aversion quant au fait que les gens sachent qu'il a accompli tel ou tel acte, alors qu'ils l'apprennent et qu'ils sachent que cela est du bir. Mais si à l'inverse, il n'est pas apaisé et il a honte de cet acte, alors qu'il le délaisse, et cela même si il reçoit des avis de gens de science lui montrant que cela lui est permis. Puis pour finir, donc nous avons un point donc il est important de connaître, qui est que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, istafti qalbak, qui est le fait d'interroger son cœur pour savoir si cette chose voulue est du bir et de la bonté et du bien ou bien du ithm, un péché, il faut savoir que cela ne se fait et il n'est pas voulu par cela les gens pervers, les gens déviants, les gens qui font partie de Ahl al-Ma'asi, des gens qui accomplissent des péchés ouvertement. Donc, il est voulu par cela Ahl al-Istiqama, les gens de la droiture, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont ceux à qui Allah accorde un discernement à travers lequel ils peuvent sentir, ils peuvent voir, ils peuvent distinguer entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Allah nous dit, d'après l'essence du verset, Ya ayyuhalladhina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, si vous faites preuve de piété, il vous accordera un discernement. Donc cela est pour les gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là ont un discernement, c'est-à-dire qu'ils ont une lumière, ils ont un discernement qui leur permet de distinguer entre le bon et le mauvais, entre le profitable et ce qui va être nuisible. Et quant au pervers, celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, dans les choses claires, qui ne sont pas évidentes, qui ne sont pas équivoques, alors celui-là sera plus amène à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien à tomber, ou à accomplir ce qui est équivoque comme péché. Donc lui n'est pas voulu par cette parole, par cet acte qui est le fait d'interroger son cœur. Celui qui est dans cet état-là, c'est-à-dire qui est négligent dans ce qui est obligatoire et qui est déviant, devra en premier lieu se repentir et chercher à se réformer par l'accomplissement des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et le délaissement des interdits. Hada, wallahu a'lam, wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقنا سيء الأخلاق والأعمال فإنه لا يقي سيئها إلا أنت اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.